بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. تقول غلط أخت فهمي أش خيز جنت جمون خيلون تمام. دوك إن شاء الله كل إلى ديفينيشن ده هذا بروميير كيستيون كل إلى ديفينيشن ده أ دو كل تورنور دو فاز دو فراز دو كل تورنور دو فراز سون بوان أ. Quel est le pronom démonstratif interrogatif qui est employé pour les choses qui sont ignorées? Pour les choses ignorées. Les choses qui sont ignorées. Non. Est-il possible d'utiliser ma pour le doigt de science? Faut argumenter. Hein. Dis-moi pas oui et puis arrête. Ah ouais, mais si je me rappelle plus du hadith. Ça, c'est le معنى. Il y a juste le معنى. Mais pour le doué de science. Pour le doué de science, c'est bon. Quel est le pronom utilisé? Quel est le pronom démonstratif utilisé pour les choses lointaines? Du genre masculin. Utilisé pour? Pour les choses lointaines du genre masculin. Ah, si vous n'avez pas la réponse en français. Si vous n'écrivez pas en arabe, écrit en français. Est-ce que tout mot se termine par antenouine et indéfini? Comment définir un mot? Les pronoms personnes, les pronoms, les noms propres plutôt, les noms propres auxquels les figures elles ont-ils bénéficié? Quelles sont les lettres solaires et les lettres lunaires? Quelles sont les lettres solaires et les lettres lunaires? Quelle est la définition du verbe passé? Et par quel signe le reconnaît-on? Bardeen. Par quel signe le reconnaît-on? Citez-moi les harf al-jar que vous connaissez. Et quelle est leur particularité? Quelle est la définition de l'annexion? Quelle est la définition de l'annexion? Ah, l'annexion, c'est... Wallahu a'lam. S'il n'a pas dit la adri, c'est que... C'est bon. Quelle est, barakallahu fikoum, les règles... Quelles sont les règles relatives au mudaf et au mudaf ilay? Quelles sont les règles relatives au mudaf et au mudaf ilay? Après la définition du mubtada wal khabar, les règles relatives, quelles sont les règles relatives au mubtada wal khabar? Par quel moyen autre que l'annexion est-il possible de déterminer la possession? Par quel moyen autre que l'annexion est-il possible de déterminer la, la possession? Vas-y, et Naham. Comment démontrer l'éloignement d'une chose du genre féminin? Mais je veux que vous me décortiquez tout. Non, non, ça. Comment dire? Ah, voilà. La question, elle est telle quelle. Donc, écrivez cette question. Comment démontrer l'éloignement d'une chose du genre féminin? Du genre féminin. Tamam. Et bon, c'est tout. Bon, passons au vocabulaire maintenant. Le vocabulaire. Vas-y, vas-y. On écrit, on écrit. Comment tu dis un lit? Un lit. Alors, vas-y. Ensuite. Un stylo. Une clé. Une clé. Non, mais non, ça va pas être possible. Écrire en français. Ah, moi j'écris vite. Une clé. Non, mais écrit en arabe. Ah, en train de dire une clé. Khalas. Aboukrit Batel. Écrit en français. Une clé. Une étoile. Une chemise. C'est les... Un coq. Hein? Un coq. Un coq. Une poule. Un mouchoir. Un professeur. Un âne. Un professeur. Un âne. Un cheval. Un commerçant. Le la. Le quoi? Le la. Le le. Fermenté. Le la. Le la, la, le la. Le la. Milk. Non, parce que toi tu dis le la. Le la. La, le lait. Le la. Le la. Du la. Du lait. Du lait. Tu dis quoi? Du lait. Moi je dis du lait. Du lait. Bah ouais, du lait. Mais non, du lait, on dit nous. Du lait. Du lait. Il te comprenait les gens. Du lait. Qu'est-ce qu'il raconte là? L-A-I-T, avec la chale. Non, c'est pas L-A-I-T. Ah si, L-A-I-T. Oh non, on lui a arrêté l'école. On se voit pas la vidéo pendant 6ème. Un chat. Le chat. Le chat. Le chat ou un chat? Le chat. Ensuite. La pierre. C'est presque pareil en arabe. Ouais. Ensuite. L'enfant. La lune est lointaine. L'imam est debout. Le bureau est cassé. Le bureau est cassé. Le cahier est nouveau. Le cahier est nouveau. La pomme est délicieuse. La pomme est délicieuse. Le lait. Le lait. Le lait est bon. Sale. Une chose sale. Ouais. Comment tu dis une chose? Comment t'exprimes une chose qui est sale? Son opposé. Ah, c'est quoi l'opposé de ça? Où est la montre? Elle est sur le lit. Où est la montre? Elle est sur le lit. Avec toute la harakat. C'est pas drôle ici. C'est-à-dire quoi? Al-Dhufr. Hein? Al-Dhufr. Al-Isba. Al-Isba. J'ai oublié une question. Quels sont les noms définis que vous connaissez? Et combien sont-ils? Al-Ma'arif. Al-Ma'arif. Quelle est la différence entre un nom propre féminin et masculin? Je viens de le voir ensemble. Quelle est la différence entre un mot, entre un nom propre féminin et masculin? Et pour quelles raisons se sont-ils différenciés? Pourquoi, s'il y a une différence hein, entre les deux, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Hein. C'est possible qu'il y ait une différence. J'ai envie de vous dire, y a-t-il? Oh, t'es mieux. Revenons au vocabulaire. Ça veut dire quoi, man fil ghurfa? Non, mais ça, c'est ça, la rire. Non, mais c'est pour que vous ayez au moins un sur 20. Ah ouais. Comment tu dis, comment t'écris le Japon? Non, pas le Japon, la Philippine. Les Philippines. Tu sais qu'il y a plein de questions, on ne peut pas pouvoir répondre. Bah, le but, c'est que tu répondes. C'est un peu d'un contrôle. Après, il va te motiver en te donnant le tu vois, le contrôle, tu vois, c'est comme la voiture. À part sur le contrôle technique, tu vois, pour voir c'est quoi les défauts, tu vois. C'est le but du contrôle. Sérieux, Tamam. Philippines, comment tu dis la Chine? La Chine. Comment tu dis la Chine? Ah ouais, j'ai oublié ça encore. L'Amérique? L'Allemagne? La France? L'ingénieur? Le Coran et le livre d'Allah Azzawajal? À qui appartient ce stylo? Sous la forme annexée et la forme non annexée. Ceci est une main. Ceci est un pied. Ceci est une oreille. Et ceci est un œil. Ceci est une règle. Oreille. Ceci est un nez et ceci est une bouche. Ceci est un nez et ceci est une bouche. Quelle est la définition, j'ai oublié cela, du mot mabni? Quelle est la définition du mot mabni et du mot mu'rab? Ada Aïn al-Rahman. J'étais gentil, hein. Je ne l'ai pas préparé. Préparé, on est. Le contrôle. L'Angleterre. Ah si, tu l'as, c'est la boute. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.